5, Oral Comprehension and Oral Production. Listen to the following dialogues and answer the question that follows. Example 1. Où va Mireille? Où est-ce qu'elle va? You hear... Mireille! Bonjour! Où est-ce que tu vas? Je vais à la fac. Then you hear the question, Où va Mireille? Où est-ce qu'elle va? You answer, À la fac. Or, Elle va à la fac. 2. Bonjour, Ousmane. Tu vas bien? Oui, oui, je vais très bien. Merci. Comment va Ousmane? Il va bien. 3. Vous allez comme ça? Nous allons au resto. Où vont Marc et Catherine? Ils vont au resto U. 4. Où est-ce que tu vas? Je vais à la bibliothèque. Où va Ousmane? À la bibliothèque. Il va à la bibliothèque. 5. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Comment va Mireille? Elle va bien.